Chapitre 7 du livre d'Esther de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Le roi et Aman entrèrent donc pour boire avec la reine. Et le roi lui dit encore ce second jour, dans la chaleur du vin, « Que me demandez-vous, Esther, et que voulez-vous que je fasse ?» Quand vous me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous la donnerai. Esther lui répondit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ô roi, accordez-moi, s'il vous plaît, ma propre vie pour laquelle je vous supplie et celle de mon peuple pour lequel j'intercède. Car nous avons été livrés, moi et mon peuple, pour être foulés aux pieds et pour être égorgés et exterminés. Et plût à Dieu qu'on nous vendît comme esclaves et servantes, ce serait un mal supportable, et je me tairais en gémissant. Mais maintenant nous avons un ennemi dont la cruauté retombe sur le roi même. » Et le roi Assuérus lui répondit, « Qui est celui-là, et quelle est sa puissance pour qu'il ose faire cela ?» Et Esther dit, « Notre adversaire et notre ennemi, c'est ce cruel Aman. » En entendant cela, Aman fut tout interdit, ne pouvant supporter les regards du roi et de la reine. Mais le roi se leva irrité et alla du lieu du festin dans le jardin planté d'arbres. Aman se leva aussi pour supplier la reine de lui sauver la vie, car il avait compris que le roi était résolu de le perdre. Lorsqu'Assuérus revint du jardin planté d'arbres et rentra dans le lieu du festin, il trouva qu'Aman s'était jeté sur le lit où était Esther, et il dit « Comment ? Il veut faire violence à la reine elle-même en ma présence, dans ma maison ?» À peine cette parole était-elle sortie de la bouche du roi, qu'on couvrit aussitôt le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques qui était au service du roi, lui dit « Voici, le bois qu'il avait préparé pour Mardoché, qui a donné un avis salutaire au roi, est dans la maison d'Aman, haut de 50 coudées. » Le roi lui dit, « Qu'il y soit pendu. » Aman fut donc pendu à la potence qu'on avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Fin du chapitre 7.